bat au galop, je suis pito pur flow. Après je passe au niveau, je suis super fort, les sets c'est à nouveau. Un bon rap, tic tic tic tic, pour mettre tout le monde caca caca caca haut. Pourquoi il marque les plus haut. Il glow, c'est les caca caca pelo. Un caca caca charismatique gros, lion lyrique américain, pire qu'un animal. Mon type tu te fais mal. Mon type tu te fais mal. Y'a pas moyen que tu chicales, ton trajet de pépé. À force de m'écouter, tu vas t'overdoser.